Mosaïque. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, où que vous nous captez, bienvenue dans l'émission Mosaïque. La circulation routière est aujourd'hui réglementée en raison de sécurité des conducteurs, passagers et piétons. Le Burundi a rendu l'assurance automobile obligatoire depuis 1977. Cependant, plusieurs problèmes sont rencontrés dans ce domaine. Des accidents sont enregistrés chaque jour, dus souvent à la violation du code de la route. D'autres conducteurs s'improvisent au volant sans avoir un permis de conduire, se cachant derrière des cas de corruption observables au sein de la police spéciale de roulage. Ces manquements font que la prime d'assurance automobile soit incompressible selon les assureurs, qui affirment par ailleurs que pour y arriver, des actions en amont et en aval doivent être menées. Y aurait-il une sorte de symbiose entre la police de roulage et les compagnies d'assurance pour garantir une meilleure sécurité routière? L'insécurité routière a-t-elle une incidence sur les activités des compagnies d'assurance? Pour en parler dans Mosaïque, nous sommes avec trois invités. OPC2, Roger Bangibigwira, commissaire de police et commandant de la police spéciale de roulage PCR. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour monsieur le journaliste, c'est OPC1, c'est-à-dire officier de police et chef de premier rang. Je salue les chauffeurs, les passagers et ceux qui assurent leur sécurité sur la voie publique, ainsi que les auditeurs de la radio Isanganiro. Merci. Nous disons également, nous souhaitons la bienvenue à Alain Fernand Ngurutse, délégué du secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, messieurs le présentateur. C'est une joie de représenter l'Agence de régulation et de contrôle des assurances, parce que même dans notre plan d'action, on s'était donné pour mission de sensibiliser la population à travers des émissions comme celle-ci. Vous êtes toujours les bienvenus à la radio Isanganiro. Nous disons également bienvenue à Honorable Tatien Sibomana, qui représente l'Association des assureurs du Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je salue les auditeurs de la radio Isanganiro. À la réalisation, Jérôme Nyonzima, Albert Ndouaïo assure la mise en onde, Pacifique Chouvairo à l'animation de Mosaïque. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Commissaire de police Roger Bangibigwira, au niveau de la police spéciale de roulage, quels sont les efforts déjà fournis pour renforcer la sécurité routière ici au Burundi? Nous permettre de nous exprimer sur l'action ou les actions que nous menons pour renforcer la sécurité routière. Les axes pour ce renforcement de la sécurité routière sont nombreux. Je voudrais ici m'exprimer sur trois ou quatre d'entre eux. Il y a d'abord les actions relatives au déploiement des hommes sur terrain. Il y a le côté réglementaire. Il y a également l'aspect juridique, parce que en menant notre action, nous nous basons sur des textes de loi. Il y a aussi le côté éducation ou sensibilisation. Et si vous me permettez, je peux très rapidement développer les aspects. C'est-à-dire que pour gérer la sécurité routière, on a décidé de déployer des hommes sur terrain en grand nombre, mais aussi pour qu'ils y restent un temps relativement long pour gérer les cas, pour gérer les incidents divers, pour gérer l'attitude des conducteurs. Il y a aussi, comme je le disais, il y a aussi l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que lorsqu'ils y vont avec une mission bien déterminée, avec des instructions, des consignes claires pour s'acquitter de leur mission. Il y a également l'aspect, je dirais, légal ou juridique. Ici, je dois préciser que il y a eu des efforts dans le sens d'améliorer le contenu des textes que nous utilisons, Ici, je citerai en guise d'exemple le texte récent qui est l'ordonnance ministérielle numéro 215/331-65 du 12 novembre 2018 portant à modalités de rétention, suspension et retrait du permis de conduire qui est en phase de vulgarisation. Et nous espérons que quand il sera en vigueur, il sera entré en vigueur, ça nous aidera beaucoup à gérer l'attitude des conducteurs qui, comme nous avons eu l'occasion de le dire, vient en tête de liste quand il s'agit des causes d'accident. Pour dire simple, lorsqu'un conducteur se méconduit plusieurs fois, il pourra se voir retirer le permis de conduire. Oui, les modalités dont il est question, c'est en rapport avec la suspension, la rétention, mais aussi le retrait du permis, qu'il y soit à temporaire ou définitif, avec la précision que cette dernière mesure est une décision du juge lorsque le jugement est coulé à force de choses jugées. Globalement, au niveau de la police, quels sont les cas difficiles à gérer lorsqu'il faut surveiller la circulation routière au Burundi? Comme les statistiques nous le montrent, l'excès de vitesse vient en tête de liste des causes. Et ce problème est difficile à gérer à plusieurs titres. Notre police n'a pas l'équipement adéquat pour détecter l'excès de vitesse, et ça c'est un handicap majeur, mais également le déploiement de nos hommes, même si on a décidé l'accroissement des effectifs sur terrain, ne couvre pas totalement le territoire, pour dire qu'à certains moments, des conducteurs peuvent se rendre coupables d'excès de vitesse sans qu'on puisse le remarquer, parce que même sans ce matériel adéquat, ici je parle des pistolet radar, même à l'œil nu, on peut constater que tel est en excès de vitesse, mais avec cette lacune que le matériel approprié, lorsqu'il n'est pas là, ça donne souvent l'occasion à des contestations, ça donne lieu à des contestations, et à ce niveau, ce n'est pas aisé à gérer. Tassia Sibomana, au niveau des assureurs, lorsqu'il y a un accident, comme il y a une assurance obligatoire automobile, c'est que vous devez recevoir ce genre de cas pour des préalables, des probables indemnisations. Au niveau des assureurs, quels sont les éléments que vous recueillez et qui caractérisent la méconduite de certains chauffeurs? Ici, on parle de l'excès de vitesse. Quels sont les cas qui sont à l'origine des dossiers que vous recevez au niveau des assurances? Merci. C'est vrai, au niveau des entreprises d'assurance, on enregistre les sinistres qui sont déclarés. Je ne dirais pas que ce sont tous les sinistres, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, donc qui ne sont pas déclarés du tout, et qui arrive au niveau des entreprises d'assurance via les services judiciaires. Donc, le nombre de ceux qui sont déclarés dans les entreprises ne signifie pas nécessairement que c'est la réalité. Mmh. Mais c'est quand même plus ou moins 95% au moins. C'est largement représentatif. Je peux vous donner, par exemple, à titre indicatif, jusqu'aujourd'hui, on est à 5814 sinistres déjà déclarés au niveau des entreprises d'assurance. Donc, avec le petit temps qui reste pour achever l'année, certainement qu'il y en aura au moins 100, même plus. Ça va en augmentant parce qu'il y a des véhicules qui augmentent ou bien il y a une éducation sur le volant qui a fait... Non, il y a beaucoup de facteurs. Il y a bien sûr même les véhicules ont augmenté, mais il y a d'autres facteurs, comme venait de le dire le chef de la PCR. Je vais ajouter d'autres facteurs qui font que justement la sinistralité reste toujours croissante. C'est l'état des routes. Les routes ne sont pas en bon état pour la plupart. Et même la façon dont elles sont construites n'est pas favorable à la sécurité routière. Parce que sous d'autres cieux, on a des routes avec des voies cyclables, où les cyclistes ne circulent pas sur la même voie que les véhicules, de même que les piétons. Ce qui n'est pas encore le cas de nos routes. Et il y a aussi l'éclairage des routes, parce qu'il y a des accidents qui peuvent en découler, parce que le manque d'éclairage constitue quand même un facteur qui influence la sinistralité. Il y a aussi l'état des véhicules, et c'est le service qui donne les attestations de contrôle technique qui devrait être très regardant à la matière, tout comme l'octroi des permis de conduire. Sans parler, bien sûr, comme vous l'avez dit dans votre mot liminaire, le rôle prépondérant que devraient jouer les agents de la PCR. À titre indicatif, ce sont les principaux facteurs qui influencent la sinistralité sur les voies routières. Au niveau de ARCA, est-ce que si on parle des assureurs, des fois on les prend dans la logique des commerciaux, mais vous êtes là pour les intérêts de l'État et du peuple. Est-ce que pensez-vous que le secteur de l'assurance automobile est en phase avec les efforts de la police de la sécurité routière? Je commence par saluer les efforts qui sont perspectibles sur le terrain et dont le commandant de la PCR a déjà parlé, notamment le déploiement de la police sur le fort déploiement. On a également vu les feux de signalisation, ça contribue à la réduction des accidents. Mais du côté de l'ARCA, en tant que chargé des chiffres, parce que je dirige la cellule des statistiques et études économiques, quand même, la situation devient alarmante. Quelques chiffres, c'est qu'en 2015, le coût des sinistres en automobile, les sinistres payés et les sinistres non payés, parce qu'il y en a qui ne sont pas payés, qui sont provisionnés pour des raisons ou d'autres, des raisons que monsieur, mon collègue Tassien pourra développer. En 2015, il y avait le coût des sinistres en automobile était de 4,7 milliards en automobile. L'année qui a suivi, c'était de 5,9, approximativement 6 milliards. On peut dire qu'il y a eu une croissance de 1,3 milliard du coût des sinistres en 2016. En 2017, là, ça a été grave parce que c'est passé à 8 milliards. Donc, on peut dire que de 2015 à 2017, en rien que deux ans, on est passé de 4,7 milliards à 8 milliards. Donc, sur cela, à l'ARCA, en tant que chargé, soucieux du développement du secteur des assurances, soucieux du bien-être de la population, on comprend que la situation devient un peu alarmante, d'où le besoin de combiner les efforts de tout un chacun. La solution facile, c'est de dire, et c'est la solution que les assureurs peuvent prendre. Donc, plus il y a beaucoup de cas couverts, beaucoup de sinistres, c'est ça handicape le travail des assureurs. Oui, ça handicape leurs travaux parce qu'il y a un indicateur qu'on calcule, on dit sur 100 francs que les assureurs collectent, les sinistres leur coûtent combien? Alors, plus le coût des sinistres augmente, plus ce montant aussi augmente. Pour côté chiffres, on peut dire que en assurance RC automobile, sur 100 francs que les assureurs collectent, les sinistres leur prennent 83 francs. Alors, vous comprenez qu'il leur reste seulement 17 francs. Sur chaque 100 francs qu'ils collectent, il leur reste 17 francs pour courir derrière le juge, pour gérer leurs frais de fonctionnement, pour en tout cas les autres dépenses, et espérons aussi dégager une marge bénéficiaire. On a souvent entendu Tassien qui parlait que les maisons d'assurance travaillent à perte. On pensait que c'est une spéculation. Peut-être dans le temps, ce n'était pas si perceptible par les gens de l'extérieur. Mais si ça atteint 83%, sur 100 francs, ça atteint 83%. Là, ça commence à être visible par tout le monde. Donc, côté responsabilité civile automobile, vraiment, il y a urgence à faire. On attend les statistiques de 2018, parce que ça, c'était 2017, pour voir la tendance. Vous ne pensez pas que ça aurait diminué? Les principaux efforts dont le commandant vient de parler ont été réalisés, je crois, en 2018, la plupart. Ça a été réalisé en 2018. Là, on va voir leur impact. Lorsqu'on va collecter les statistiques de 2018. Là, on pourra dire que la situation s'améliore ou se... Parce que vous voyez, il y a une tendance à la hausse. Si elle se maintient, là, on devra sonner la sonnette d'alarme. Mais si demain, on trouve que la combinaison des efforts est en train de réduire la charge des sinistres, là, on pourra voir les mesures appropriées à prendre, notamment mettre ensemble, une plateforme d'échange et de collaboration entre l'ARCA, la police, les assureurs et aussi d'autres intervenants. On a parlé de l'OTRACO qui attribue les contrôles techniques et ainsi de suite. Je passe la parole au commandant de la APCR. Lorsqu'on parle des chiffres au niveau des assurances et dans le secteur automobile, c'est comme si c'est le miroir de l'action de la police spéciale de roulage. Plus les chiffres augmentent en termes de sinistres couverts, c'est comme s'il y a des défaillances au niveau de la APCR. Est-ce que pensez-vous que les efforts fournis déjà sont bénéfique du moment qu'on voit que le coût pour couvrir les sinistres continue à augmenter? Puisqu'on évoque des chiffres, j'aimerais revenir là par où j'aurais dû avoir commencé, c'est-à-dire par les nombres d'accidents qu'on a enregistrés. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2018, on a enregistré, et ce jusqu'à récemment, jusqu'au 15 décembre 2015, plutôt 2018, un nombre total de 3697 accidents qui ont malheureusement occasionné 2008 cas de blessés et 364 décès. Alors ici, et je dois préciser que, comme M. Souman l'a dit, on reste humble et on reconnaît qu'il y a des accidents qui ne sont pas signalés, qui ne sont pas constatés par la police, soit que les parties prenantes ont procédé à un arrangement à l'amiable sans le notifier au service concerné, même si c'est illégal. Ah bon, c'est illégal? Non, on ne peut pas faire un arrangement à l'amiable sans le notifier à l'assureur ni à la police. Ça, c'est une disposition légale. Alors, il y a aussi des accidents qui se produisent dans des coins reculés et qu'aucun service ne recense. Mais on peut estimer ces cas comme assez négligeables. Alors, même si la situation est en apparence alarmante, on doit notifier qu'on a connu une légère amélioration parce que au cours de l'année 2017, on en avait recensé un peu plus, c'est-à-dire concrètement à 3526 avec 650 décès et 227 blessés. À ce niveau, je dois dire que on a une raison de s'en réjouir, même si une vie qui disparaît, un blessé, même s'il s'agit d'une égratignure, nous autres, ça constitue une grande préoccupation en tant que gestionnaire de la sécurité. Si on se réfère aux chiffres de 2017, c'est qu'avec 650 et quelques personnes décédées, ça montre que quand même les accidents qui se produisent ici au Burundi, souvent, ils sont mortels. Oui, bien évidemment, ils y sont malheureusement mortels. Et parce que parfois, ce sont des véhicules de transport en commun. Et lorsque l'inévitable arrive, on déplore en général un nombre assez élevé de victimes en termes de décès et de blessés. C'est un triste constat, mais il est là. C'est la réalité. Donc pour vous, on ne pourrait pas seulement apprécier le travail de la police spéciale de roulage en tenant seulement en compte les chiffres fournis par les maisons d'assurance. Il faudrait aussi prendre en considération d'autres réalités. Bien évidemment, parce que lorsque j'ai évoqué les causes les plus récurrentes d'accidents, j'ai insisté sur l'excès de vitesse qui relève de l'attitude des conducteurs, qui peuvent aussi être non qualifiés pour la conduite, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sans permis ou lorsqu'ils conduisent avec des permis à catégorie non conforme, ils peuvent être inexpérimentés, ils peuvent conduire sous l'effet de l'alcool de stupéfiant ou même en état de fatigue. Et dans un tel cas de figure, vous comprenez que l'attitude des conducteurs est préjudiciable parfois lorsqu'il s'agit d'évoquer des cas d'accident. Mais Entre-temps, Sibomana a évoqué l'état délabré des routes. C'est là où je voulais en venir. Il y a également l'état de nos infrastructures routières qui, parfois, ne facilitent pas la gestion de la circulation routière. Vous constaterez qu'il y a des routes délabrées qui parfois sont glissantes lorsque il y a absence de signalisation ou lorsque les signaux sont mal placés, lorsque les tronçons sont sur de fortes pentes ou connaissent des virages très dangereux. Ça, ce sont des situations qui sont déplorables et qui tiennent de l'état des routes. Et sans oublier que nos routes, comme le disait Tassien, sont conçues d'une façon, je dirais, en dessous des standards internationalement reconnus, parce que vous verrez qu'ailleurs, les routes sont munies, en plus de ce que Tassien, de ce dont Tassien a parlé, ils sont munis de caméras pour surveiller justement l'attitude des conducteurs dont je parlais tout à l'heure. Et cet état de choses, encore une fois, ne nous facilite pas la tâche, mais on espère des jours meilleurs à voir comment les nouvelles routes sont équipées parce qu'elles répondent plus ou moins à certains standards de nature à assurer la sécurité et des passagers et des véhicules. Alors, à part ça, il y a touché un tout petit peu M. Tassien. Il y a également l'état des véhicules. Reconnaissons avec tout le monde qu'on va passer à bientôt 5 ans sans importer de nouveaux véhicules de transport en commun. Et ceux qui sont là, la plupart sont en état piteux, si je peux le dire ainsi. Et tout cela sont autant de situations susceptibles de produire des accidents. Il y a aussi un aspect sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire qu'il y a une situation assez préoccupante. Des véhicules main gauche, c'est-à-dire dont les portières ouvrent sur la chaussée, et ce cas nous cause beaucoup de tracas lorsqu'il s'agit de gérer ces situations. Ça a été en quelque sorte la conséquence de l'absence des véhicules importés pendant cette période de 5 ans, parce qu'on dit que... Ils existaient et ils opèrent encore, même aujourd'hui. Mm-hmm. Notons aussi, tout en passant, un fait que peut-être les gens n'ont pas le temps d'intérioriser cette augmentation exponentielle du parc automobile sans accroissement conséquent de nos routes en termes de longueur et de dimension. Tout ça, ce sont autant de causes potentielles d'accidents. Honorable Tassien Siomana, les assureurs en grande partie, ce sont des privés. La police, c'est une institution de l'État. C'est facile qu'il y ait une collaboration pour que justement les faits qui sont relevés en termes de difficultés au niveau de la police et que vous ressentez au niveau du coût pour couvrir les sinistres, vous parveniez à ce que vous vous entendez pour relever certains défis ensemble et évoluer vers une réussite de la circulation routière garantie. Oui, merci. Avant de passer à votre question relative à la synergie qui devrait exister entre la police de roulage et les entreprises d'assurance, je voulais faire remarquer au public que, effectivement, comme le commandant de la PCR l'a si bien dit, il y a une nette différence entre les sinistres qui sont déclarés au niveau des entreprises d'assurance et ceux constatés par la police. Parce qu'il a dit que jusqu'au 15 décembre, ils avaient déjà enregistré à la PCR 3197. Mmh. Tenez-vous bien, c'est presque la moitié de ce que je vous ai donné comme chiffre. Au niveau des entreprises, juste avant de venir à l'émission, j'ai fait le tour des entreprises et on en est déjà à 5814 sinistres déjà déclarés. Donc mais, vous comprenez. Mais il faut que le sinistre soit déclaré, soit attesté par... un officier de la police pour que vous puissiez... Non, je vous l'ai dit. Au niveau des entreprises d'assurance, on ne doit pas nécessairement attendre le rapport de la police pour enregistrer le sinistre. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être des vérifications à faire pour voir si réellement c'est un sinistre qui est réel, qui est survenu. Mais sinon, au niveau de l'entreprise, il y a d'autres façons de voir... On enregistre tout sinistre qui est déclaré par toutes sortes de victimes. Et remarquez encore, comme je l'ai dit tantôt, que même au niveau des tribunaux, il y en a qui poursuivent la procédure judiciaire sans que ni à la police, ni au niveau des entreprises, le sinistre n'ait été déclaré. Mais quand un tribunal ou une juridiction X vous envoie une copie de jugement qui, justement, statue sur la survenance d'un sinistre, d'un accident, vous ne pouvez pas ne pas indemniser. Sur le prétexte que vous n'avez pas reçu à temps le rapport. Bien sûr, il y a des délais légaux dans les cas dans lesquels tout sinistre doit être déclaré, mais il y a aussi des exceptions, il y a des cas de force majeure. Malheureusement, même la violation de ces délais n'est pas à éviter. Alors, si je reviens à votre question, est-ce que finalement le service public que la police spéciale de roulage et les entreprises d'assurance qui sont à majorité privée travaillent de façon synergique pour juguler ce phénomène? Justement, c'est le oui. Me dit délégué du secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances. Oui, je voulais vous dire un mot sur ça. C'est vrai, ça peut se faire au niveau de la prévention. C'est vrai, au niveau des entreprises, la première mission, ce n'est pas de construire les routes, ce n'est pas d'éclairer les routes, ce n'est pas de poser telle ou telle infrastructure en place. Il y a d'autres services qui sont chargés de cela. Mais cela n'exclut pas que, d'une façon ou d'une autre, les entreprises peuvent aider dans certaines choses qui peuvent limiter le nombre d'accidents. Je pense à la mise en place des dodanes, je pense... aussi à certains signaux, comme l'a dit le chef de la PCR. Lors des derniers états généraux de l'assurance, on a dit un mot et on a fait une recommandation dans le sens de voir comment, avec l'année qui commence, on puisse s'asseoir justement ensemble avec la police spéciale de roulage pour identifier les actions à mener ensemble dans le sens de la prévention contre une sinistralité sans cesse croissante. Je pense qu'on va le faire dans les meilleurs délais, au moins au cours du premier trimestre de l'année qui va bientôt commencer, pour identifier les actions à mener ensemble. Bien sûr que le travail aussi de la sensibilisation va nous préoccuper et va nous prendre un peu de temps, parce qu'effectivement, comme l'a dit le chef de la PCR, notre population a besoin d'une éducation. Même au niveau de la façon de rouler, de conduire. C'est aussi un point important qui va nous occuper avec la police pour voir comment... Il y a certains qui disent même pour tester les humeurs des gens dans un pays, il faut les tester au volant. C'est ça, justement. Ça démontre la civilité, ça démontre... le niveau, effectivement, de l'éducation de la population. Au niveau d'ARCA, vous avez émis un vœu sur cette collaboration entre les assureurs et la police spéciale de roulage. Peut-être vous avez une expérience avec la collaboration d'autres organes comme ARCA dans d'autres pays, surtout dans le cadre de l'East Africa Community. Avez-vous des exemples ou peut-être des initiatives déjà fournies quelque part pour étayer cette possible collaboration entre assureurs et la police de roulage? L'exemple le plus proche, c'est celui du Kenya, où dans l'autorité de régulation, ils ont même un représentant de la police qui occupe une certaine fonction et qui intervient dans certains dossiers. S'il y a des dossiers qui traînent ou des dossiers qui semblent un peu flous, où on dit le PV de la police, ça peut venir deux PV contradictoires. Là, on a un représentant de la police qui est attaché à l'autorité de régulation. Lui, on peut le toucher rapidement. Et pour faciliter la célérité dans le traitement de ce dossier. Oui. Il intervient, il peut voir l'officier de la police qui a fait le dossier, il lui demande, il fait ses enquêtes et puis il permet de trancher sur la situation et sur les cas réels, dans les conditions réelles dans lesquelles s'est produit cet accident. Il y a M. Tassin qui dit souvent qu'il y a inversion de la responsabilité. Le fautif, c'est lui qui a connu beaucoup de dégâts. Celui qui a été accidenté n'a pas connu beaucoup de dégâts. Tu peux cogner un véhicule, disons, par exemple, un véhicule de la police qui sont assez solides. Et puis, non, toi, tu vas déclarer, moi, c'est pas grave. Et si c'est ton ami aussi, il peut dire, toi, tu vas déclarer, moi, c'est pas grave. En principe, les deux conducteurs doivent déclarer. Voilà, ils se mettent d'accord pour inverser pour inverser la responsabilité. Ce sont des cas, je n'ai pas connu ce genre de cas, mais ce sont des cas qu'il dit qu'il a connu dans son expérience et en tant que représentant de la SUR. Alors, ce représentant de la police qui est rattaché à l'autorité de régulation des assurances, c'est lui qui intervient sur ce genre de cas. Et lorsque c'est quelqu'un de la police qui va enquêter sur un cas comme ça, des fois la vérité finit par ressortir. Donc ça, c'est un exemple sur la collaboration qui a été mise en place au Kenya. Au centre, il y a l'autorité de régulation qui met ensemble les assureurs et la police et même les assurés. Mais j'aimerais revenir un peu sur les statistiques qui divergent de l'un à l'autre. En tant que chargé des statistiques, on collecte souvent les sinistres des sociétés d'assurance. On a remarqué des doublons. Le cas qu'on voit où il y a le double, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des doublons. Les doublons, ça signifie si je suis un conducteur consciencieux, si je vois même si c'est l'autre qui est fautif, mais s'il n'a pas reconnu automatiquement qu'il a commis un sinistre, j'ai l'obligation d'aller déclarer aussi. Je crois que j'ai commis un sinistre, même si je crois que c'est pas de ma faute. Donc, s'il est consciencieux, il va déclarer. Donc, ce n'est pas étonnant que dans les sociétés d'assurance aussi, ils ont l'obligation de collecter tout le monde. S'il vient déclarer, tu lui demandes pas est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi. Non, tu collectes ça. Mais à la police, c'est là où ils ont un seul dossier pour les deux cas. Ils ont un seul dossier pour les deux cas. Mais pour les deux conducteurs. Mais à l'assurance, les deux conducteurs peuvent déclarer chacun dans son sens. Oui. Donc c'est les doublons, c'est pas évité. C'est pas étonnant que les chiffres ne convergent pas. Parce que c'est là où même la collaboration est nécessaire. Même côté chiffres, on a besoin de croiser ces données. De voir, parce que des fois, les sociétés d'assurance, s'il a un sinistre, ton véhicule, le véhicule de ta sien, vous avez commis un seul sinistre. Tu déclares chez ton assureur, il déclare chez son assureur. Les deux assureurs ont obligation de constituer une réserve, d'être prêt à payer les deux sinistres. Le sinistre, c'est le même sinistre. Il est provisionné chez ton assureur et chez son assureur. Et des fois, je dis aussi que ces chiffres du coût des sinistres, ça peut contenir aussi des doublons. Par règle de prudence, les sociétés doivent faire office de prudence et ils risquent de provisionner le même sinistre deux fois. À la Socabo, on provisionne et là aussi, on provisionne parce qu'on a reçu les deux déclarations. On ne va déprovisionner que lorsque le cas sera carrément tranché. Alors, on aura besoin aussi des statistiques de la police pour détecter ces doublons à l'avance et peut-être appeler les deux assureurs à se concerter pour que le responsable garde la réserve et l'autre qui n'est pas responsable enlève cet argent de ses chiffres. Parce que c'est de l'argent qui vient gonfler le chiffre du coût des sinistres. Mais quand même, c'est une bonne pratique qui est conseillée partout. Dès que tu vois un sinistre, avant même d'avoir fait l'enquête, tu dois provisionner. Mais aussi, la collaboration entre l'ARCA, les assureurs et la police permettrait de résoudre ces doublons en temps utile. On parle souvent de la prime d'assurance. On aimerait pour les conducteurs que cette prime soit réduite. Mais au niveau des assureurs, on dit que plus ces coûts de sinistre continuent à augmenter lorsqu'il faut les couvrir, sans doute que la prime soit maintenue ou revue à la hausse. Au niveau de l'ARCA, c'est possible de la compresser. Selon les études actuarielles, les actuaires, c'est eux qui sont chargés d'établir les tarifs. Il y a une limite. Lorsqu'elle est dépassée, on commence à songer à revoir les tarifs. C'est-à-dire que sur 100 francs de prime acquise, si les sinistres occupent plus de 65, il faut songer à revoir les tarifs. Mais en tant aussi que représentant de l'État et du gouvernement, si on sait que ces sinistres sont causés par des facteurs qui ne sont pas réels, on a parlé de la conduite en état d'ébriété, on a parlé des mesures qui peuvent être prises, au lieu de privilégier l'augmentation des tarifs, on dit non, en tant que représentant du gouvernement, commençons par voir si on ne peut pas agir sur d'autres facteurs, je dirais, exogènes, pour réduire cette sinistralité. On revient au travail de la PCR, notamment lorsque le commandant parle d'une sensibilisation, d'une éducation conducteur. Oui. Donc, avant de penser à l'augmentation des tarifs, on commence par regarder ces autres facteurs. Demain, on peut augmenter le tarif, et si ces facteurs ne sont pas retirés des indicateurs qui causent des accidents. Après demain, on devra aussi revoir le tarif. On devra augmenter le tarif année après année. Parce que si la conduite en état d'ébriété n'est pas limitée, n'est pas retirée des pratiques actuelles, tout le monde va conduire en état d'ébriété. Et il y aura de plus en plus de sinistres. et on devra augmenter le tarif année après année. La diminution de la prime, ça revient d'abord aux efforts fournis par les conducteurs, si je peux. Oui, mais pour qu'un conducteur fournisse des efforts, il faut qu'il y ait une motivation positive ou négative. Mmh. Oui, pour le pousser à être responsable, il faut qu'il y ait une motivation positive ou négative. La sensibilisation ou la pression. Positive, on peut faire de bonnes routes et ainsi de suite. Mmh. Négative, on peut appliquer des sanctions. Comme ça, il sent qu'il est, s'il commet les sanctions dont on a parlé, ça aussi, c'est on agit sur le conducteur, mais d'une certaine manière, positive ou négative, en le sensibilisant positivement ou bien en le sanctionnant. Donc, on est ouvert. On est ouvert parce qu'on sait que si les sociétés d'assurance fonctionnent à perte, demain, elles ne seront pas capables de payer ces sinistres. Tu auras une police d'assurance qui est vide. Tu te sentiras assuré, mais en réalité, tu ne le seras pas. Donc, on est ouvert à toutes les observations. Mais quand même, on doit d'abord chercher les causes. Parce que si on n'a pas trouvé la bonne cause, tu auras beau donner un médicament contre la fièvre à ton enfant. Mmh. Si tu n'as pas trouvé la cause de cette fièvre, tu vas continuer à lui donner ce médicament au jour le jour sans que... Qui finalement puisse... risque d'être nocif. Oui. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque, et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous parlons de la sécurité routière et son incidence sur les activités des compagnies d'assurance. Dans notre émission et au studio, nous sommes avec trois invités. OPC 1 Roger Banguiguira, commissaire de police et commandant de la police spéciale de roulage PCR. Nous sommes aussi avec Alain Fernand Ngroutse, délégué du secrétaire général de la l'Agence de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle. Nous sommes aussi avec Honorable Tassier Sibomana, représentant de l'Association des assureurs du Burundi. Commissaire de police, lorsque je parlais de corruption, quelle est la réalité au niveau de la PCR? La situation de corruption, que ce soit à la police ou dans le pays en général, c'est une réalité qu'on ne peut pas réfuter. Et si je reviens à ma cathédrale, je n'ai jamais cru commander des anges, mais il y a des exagérations, une sorte de caricature que nous n'acceptons pas. Je disais que c'est une réalité, mais qui est parfois dénaturée. Il y a bien évidemment des brebis galeuses et qui sont gérées à la hauteur de leur méconduite, mais on est loin de répondre à cette image de corrompu qu'on a à l'habitude de coller à la police de roulage. À chaque fois qu'on voit un policier de la police, de la PCR, qu'on n'est pas l'image d'un policier corrompu. C'est cette caricature que je rejette. Mmh. Sinon, des cas de corruption ou de laxisme ou de complaisance avec les conducteurs, ils sont recensés et comme je le disais, ils sont sanctionnés conformément aux textes légaux et réglementaires qui nous gèrent. C'est une situation qui préoccupe le commandement à tel point que dans le plan d'action, qu'il soit de l'année passée ou de cette année, la lutte contre la corruption sur la voie routière constitue une préoccupation majeure. Et si, comme je le disais avant, on s'en donne aux statistiques, j'ai déjà relevé plus de 15 cas de policiers qui sont sous régime disciplinaire et d'autres au nombre de 4 si je ne m'abuse, dont les dossiers sont en instruction dans les différentes juridictions. Pour dire que ce n'est pas une situation qu'on néglige, mais non plus ce n'est pas une situation aussi alarmante comme certains veulent le faire croire. Permettez aussi que je touche à quelque chose dont Tassien a parlé tout à l'heure lorsqu'il évoquait le tracot pour l'octroi des certificats de contrôle technique, mais aussi et l'octroi de la délivrance de permis de conduire. Je voudrais inviter M. Tassien et les autres sceptiques pour qu'ils viennent voir comment les tests organisés en vue de l'obtention du permis sont administrés. Et avant qu'ils viennent, je voudrais donner certains chiffres qui montrent que la gestion de Soka à une rigueur voulue. Pour l'année 2018, on a accueilli 7138 candidats au test théorique et seulement 3724 ont réussi. Pendant la même période, 4208 candidats se sont présentés pour le test pratique et les réussites sont de 2952 et vous comprenez que c'est légèrement au-dessus de la moitié pour dire que les permis ne se distribuent pas comme de petits pains, que les gens cravachent, que les gens suent pour gagner ce droit. Et faudrait-il ajouter en guise de rappel que même ceux qui en ont obtenu restent susceptibles de les perdre dans l'esprit de l'ordonnance ministérielle dont j'ai parlé au début de l'émission. On a parlé des efforts, notamment de la pose des feux de signalisation. Pensez-vous que ces feux ont contribué à ce qu'il y ait moins de sinistres? La réintroduction de ces feux, je parle de réintroduction parce qu'ils ont existé à un moment et puis ils ont disparu à deux ou trois reprises, si je suis bien informé. Ils ont contribué à bien gérer la circulation là où ils sont placés parce qu'on constate que les accidents qui se produisaient à ces endroits ont été réduits jusqu'à 63%. Vous comprenez que le résultat est vraiment palpable. Et je voudrais prendre cette occasion pour remercier les conducteurs parce qu'ils ont assimilé les connaissances en rapport avec la séquence des feux tricolores parce que si on compare leur comportement au début du fonctionnement de ces feux, je parle de cette réintroduction de cette année passée. Avec la situation actuelle, il y a lieu d'en être fier, d'en être satisfait. Je voudrais aussi vous remercier, vous les médias, parce que vous avez aidé à la campagne de sensibilisation, à l'utilisation, au fonctionnement de ces feux. Et nous espérons que la situation ira s'améliorant parce que il faut le reconnaître, nos conducteurs, même s'il y a des écarts de comportement, ce sont des conducteurs qui sont disciplinés et disciplinables. Tant que vous avez la parole, Tassien a dit qu'il ne reviendra pas à l'assureur de construire une route ou de poser certaines infrastructures pour la sécurité routière. Lorsque vous demandez des feux de signalisation, par exemple, c'est un budget important pour l'État. Est-ce que les demandes qui vont dans ce sens sont facilement acceptées au niveau du gouvernement pour que vos efforts, finalement, appuyés par des moyens, puissent produire des résultats en termes de sécurité routière? En fait, quand j'ai procédé à la classification des causes d'accident, je voudrais justement montrer que il y a une part qui nous revient, nous la police, et un rôle qui doit être joué par les autres intervenants. Ces prérogatives sont d'autres services, d'autres institutions, et je crois savoir que au cours de la semaine africaine de la sécurité routière, mêlée à une journée mondiale de soutien aux victimes des accidents de roulage qui s'est déroulé du 19 au 24 novembre cette année, il y a eu des engagements de la part de hautes autorités, de la part du ministre de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, du ministre ayant les transports dans ses attributions, qui se sont engagés à mener des actions, à prendre des décisions concrètes dans le sens d'améliorer ce qui était utile dans le sens d'infléchir la courbe des accidents. Et nous osons espérer que les promesses seront tenues. Et en ce qui concerne le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, une des promesses a été déjà réalisée, c'est l'amélioration des textes légaux Honorable Tassien, pensez-vous qu'il faut d'autres organes au Burundi pour aider à ce qu'il y ait garantie en termes de sécurité routière ici au Burundi, au-delà des assureurs et de la police spéciale de roulage? Merci. Permettez de revenir sur certains aspects avant de répondre à votre question. Vous avez posé une question au représentant du secrétaire général de l'ARCA pour dire « Les bénéficiaires d'assurance aimeraient que la prime d'assurance soit revue à la baisse. Les assureurs demandent par contre qu'elle soit revue à la hausse. » Mon référent à ce que a dit M. Fernand quand il a dit que sur 100 francs de prime collectée, le sinistre bousille 83. Je ne suis même pas sûr si réellement son montant de 83 ne peut pas être revu à la hausse. Mm-hmm. Parce que, effectivement, comme il l'a dit, les gens, au niveau de l'opinion, on dirait qu'ils payent beaucoup de choses, que l'assureur n'indemnise pas. Il vous a donné les chiffres en termes de milliards. Je voulais vous dire que, et les gens le savent, pour les véhicules à faire et promenade, si vous payez 24 000 par trimestre, vous pouvez causer un sinistre de tant de millions. Est-ce que vous croyez que ces 24 000 francs, même si vous multipliez par autant de véhicules assurés dans une compagnie X, vous êtes sûr que vous pouvez couvrir facilement l'indemnisation de ce sinistre? À vous entendre, s'il n'y avait qu'une seule assurance automobile au Burundi, les assureurs ont déjà formé. Absolument. Absolument. Et je pense que d'ailleurs, il y a une étude qui va probablement nous en dire davantage, comme il l'a dit Fernand, il y a un actuaire qui va entrer en profondeur sur cela. Et un avant-goût qu'il nous a présenté lors des derniers états généraux en Ngozi, je pense que la situation est beaucoup plus alarmante. Mmh. Et la même réalité s'oppose dans d'autres pays. Je pense que c'est le même d'ailleurs le consultant qui a mené une étude très dernièrement à Kigali, et le gouvernement de Kigali a été obligé de revoir à la hausse deux fois le tarif. Parce que scientifiquement, si cela est prouvé, et c'est là où je voulais quand même nuancer... Ça fera mal, mais personne ne va contester. Non, parce que ça sera au moins prouvé par une étude scientifique, actuarielle. Et c'est là où je dis quand même, quand le carburant monte, on ne cherche pas à augmenter le ticket après avoir fait une année ou deux ans pour observer les causes de l'augmentation du carburant. Ça devient presque automatique. C'est ça. Mais il y a d'abord une réalité criante qui est là. Est-ce que tous ces services qui ont augmenté, est-ce que ces pièces de rechange, ces médicaments qui, d'une façon ou d'une autre, constituent justement la masse de l'indemnisation que payent les assureurs, est-ce que cela ne devrait pas quand même interpeller les uns et les autres? Donc, pour vous dire que quelque part, c'est un débat qui serait intéressant à mener. Alors, le commandant de la PCR a bien dit qu'il y a des mesures de lutte contre la corruption qui sont déjà visibles. Je l'encourage sur cette voie, mais malheureusement, les cas qu'il nous a cités, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il y en a plus. S'il y avait moyen de mener un sondage d'opinion... Il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts en cette matière. Franchement, sinon, je vois effectivement qu'il y a des efforts, mais ça ne suffit pas encore. Et c'est un titre d'exemple, l'excès de chargement, le dépassement du nombre de personnes à transporter dans les véhicules. Ce sont des réalités qu'on observe tous les jours. Donc, ne fût-ce qu'à ce titre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous me savez, à la fin de cette émission... Je vais répondre à la question. Dites, est-ce que, à part la police de roulage, à part les entreprises d'assurance, est-ce qu'il y aurait-il moyen d'avoir d'autres organes qui interviendraient pour prévenir contre les accidents? Les organes sont là. Peut-être qu'ils ne font pas assez pour justement arriver à l'objectif recherché. Mais sinon, comme il a dit, il y a des institutions qui sont là. Parce qu'il y a des ministères, le ministère chargé des infrastructures routières, il y a le ministère des Transports, il y a tout un tas d'institutions qui ont dans leur mission des activités qui pourraient justement aider à juguler ce phénomène d'accident de la circulation routière, tout au moins à diminuer le nombre d'accidents. Donc, ce n'est pas qu'on on a pas d'organes ou d'institutions pour ça, mais peut-être qu'il faudrait sensibiliser davantage les uns les autres pour prendre conscience du danger que représente justement ce phénomène. Chez les assureurs, encore, vous vous engagez? Oui, oui, c'est ce que je vous disais. La PCR était bien représentée aux derniers états généraux. On s'est engagé effectivement à travailler de concert avec toutes ces institutions, à commencer par la police de roulage, pour voir les actions à mener ensemble dans les limites des entreprises d'assurance. Parce que, comme je vous l'ai dit, sauf les impôts qu'ils payent, qu'elles payent, n'allaient pas leur demander de construire des routes. Mais peut-être qu'il y a des actions de concert avec la police qui pourraient être menées. On peut contribuer pour construire quelques dodanes comme la Sokabou l'a déjà fait sur la route Gitega, la route Ngozi. On peut voir dans ce sens, tout comme des actions de sensibilisation. Et c'est ce que je vous disais tantôt, qu'on va réunir au moins la police et les entreprises pour échanger sur ce qu'il y a moyen de faire. Mmh. Alain Fernand Ngengurutse, au niveau de ARCA, qu'est-ce que vous suggérez pour qu'il y ait cette collaboration entre différents acteurs pour réduire les accidents routiers ici au Burundi? Merci beaucoup. À l'ARCA, on voudrait soigner l'image du secteur. On est représentant du gouvernement auprès des privés. Vous avez dit que les assureurs sont des privés. Mmh. Alors, il y a une image qui est collée aux assureurs. Ils ne payent pas. Ce sont des voleurs. Mmh. Ils prennent de l'argent et puis ils ne payent pas. Cette image, on veut s'attaquer à ça. Il y a aussi une image qu'on a trouvée qui est liée à ça. Vous avez parlé des policiers corrompus. Ça aussi, c'est une image. Si l'on dit, toi, tu ne payes pas, non, c'est parce qu'il y a une version de quoi. Et puis... Donc, si les deux images, on ne les gère pas en même temps, on ne va pas atteindre notre objectif. Donc, on devra trouver une plateforme de travail et d'échange et de combinaison des efforts. Et de combinaison des efforts pour essayer de changer la perception de la population. Tant qu'elle sera négative, ça, on ne va jamais s'en sortir. Tant que celui qui commettra un accident dira « je peux payer une petite corruption et puis m'en sortir », ainsi de suite, on ne va jamais s'en sortir. Tant que celui qui va conduire en état d'ébriété saura qu'il ne sera jamais inquiété par la police. Et surtout comprendre que la responsabilité au volant de chacun, ça vaut garantie de la sécurité de l'autre. Oui, oui. Mmh. Et aussi, ça contribue à la baisse de la prime d'assurance. Il faudra qu'on leur fasse savoir le trio. Conduire raisonnablement, ça empêche les accidents et ça réduit la prime d'assurance. Mais aussi, j'aimerais revenir sur une petite réflexion. Je pense que la dernière option pourra faciliter la compréhension pour les conducteurs. Oui, oui. Oui, oui. Et leur dire que si vous commettez beaucoup d'accidents, demain, la prime d'assurance va augmenter. Et si elle augmente, c'est pour une longue durée. Mais j'aimerais faire une petite réflexion. Dire qu'on collecte 24 francs et puis tu peux commettre un accident, on ne sera pas capable de payer. Non, ça aussi, c'est une façon de manipuler un peu l'information. Je faisais un petit exercice. On sait que l'assurance, c'est la mutualité. Oui, oui. Mm. Je faisais un petit calcul. Toutes les primes d'assurance, ce n'est pas 24 000. Mais j'ai pris que tous ces 24 000 et j'ai vu qu'en 2014, on a fait une étude, il y avait 82 000 contrats. Je multipliais et je viens de trouver 2 milliards. 24 000 fois 24 000 contrats, c'est 2 milliards. Mmh. En tout cas, 2 milliards. En tout cas, c'est raisonnable pour payer les sinistres dont le commandant PCR a parlé. Mmh. Je me dis que ça peut payer. Il a parlé de 250 personnes, c'est vrai, la valeur d'une personne n'est pas mesurable. Mais quand même, c'est assez suffisant. Mmh. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on recourt au rehaussement des primes d'assurance, mais plutôt à d'autres moyens de prévention. Elles sont plus efficaces et elles comptent. Et contribue aussi à la sensibilisation de la population, leur disant, soyez prudents dans la circulation, la police, aidez-nous à bien réguler la circulation, le gouvernement, aidez-nous à construire des routes et autres pour permettre une bonne circulation. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est bénéfique aussi bien pour l'État, on ne va pas déplorer nos morts, on ne va pas déplorer nos véhicules cassés, parce qu'un véhicule cassé, ça a été acheté à des dollars. Mmh, c'est de l'argent. Ce sont des capis, ce sont des dollars qu'on vient de brûler. Donc, un véhicule cassé, ce n'est pas bon, ni pour le gouvernement. Un blessé, ce n'est pas bon pour la population. Aussi, l'augmentation des tarifs non plus, ce n'est pas bon pour la population. Mais aussi, ce n'est même pas bon pour les assureurs. Parce que plus le tarif est élevé, plus les gens vont recourir à des polices d'assurance fabriquées de je ne sais où. Donc, privilégions la prévention, trouvons une plateforme pour éradiquer ce mauvais visage qui a été collé à notre police nationale. Enlevons ce mauvais visage qui a été collé à nos sociétés d'assurance et on va voir, ça sera le bien-être aussi bien du pays que de la population et aussi des assureurs et des autres acteurs économiques. Quand, quand va-t-on évaluer les résultats de ces initiatives pour voir que finalement les tarifs peuvent rester? Je pense que si vous vous engagez à travailler en synergie, je pense que vous aurez une séance d'évaluation des impacts. Mais d'autre part, en parlant aussi de l'ARCA, je dois aussi me pointer du doigt. J'ai parlé de l'assure, de la police. L'ARCA, on a une cellule statistique, on produit le rapport annuel du secteur des assurances. Vous-même, je vous ai dit que si ça dépasse 65%, vous-même, vous pourrez me dire, mais vos chiffres là, tu vois que ça dépasse 65%. Si une telle situation perdure, l'ARCA devra prendre la mesure d'urgence de proposer aux autorités, parce que ce n'est pas l'ARCA de rehausser les tarifs, de jouer son rôle de conseil du gouvernement et dire, non, pardon, il y a trop de température, baissons la température, sinon la situation risque d'être irréversible. Un dernier mot, je l'accorde au représentant de la PCR. Nous sommes vers la fin de l'année et on sait que vous-même, vous l'avez lancé un cri d'alarme que dans cette période, il y a beaucoup d'accidents. Peut-être un dernier mot pour les conducteurs, pour ces fêtes de fin d'année. Merci de me donner encore une fois à cette occasion de le dire. Mais avant de passer à cette étape, je voudrais dire que la collaboration dont vous parliez est la bienvenue de notre côté parce que le concept de sécurité a beaucoup évolué. Ce n'est plus une question qui doit être gérée par la seule police. C'est une question complexe, multidimensionnelle, qui appelle des solutions en provenance de plusieurs acteurs. Et au-delà de cela, je dois insister sur certaines actions que je juge urgentes, qui doivent être menées par les différents acteurs intéressés par la sécurité en général et la sécurité du terrain en particulier. C'est notamment l'éducation aux règles de bonne conduite à l'endroit des usagers de la voie publique parce que, comme je l'ai dit, l'attitude des conducteurs est un facteur très important dans l'occurrence des accidents. Donc, éducation, sensibilisation. Il faut aussi, et on est déjà à pied d'œuvre, de conscientiser les passagers à leurs droits de sécurité et de confort et à leur devoir de dénoncer ceux qui y portent atteinte. Il faut également que les chauffeurs de certaines catégories de véhicules soient spécialisés parce que on ne peut pas transporter 40 personnes et être comparé avec un chauffeur qui va à la promenade à la plage. Il faut que cette catégorie de conducteurs soit spécialisée et que seuls les gens qui ont une certaine initiation y aient accès. Je suggère aussi que les décideurs rénovent d'abord et puis conçoivent des routes selon des standards de nature à préserver la sécurité des usagers. Et il faut aussi que nous, la police, ayons l'occasion de renforcer nos capacités parce que toutes ces lacunes qu'on évoque, il faut que ça soit corrigé à travers un programme de renforcement de capacités. On se réjouit qu'on est déjà à pied d'œuvre encore une fois. Et puis, il y a aussi un phénomène qui contribue énormément à l'occurrence des accidents, c'est la falsification des documents requis pour la sécurité routière. Et ici, c'est un combat, encore une fois, c'est un combat citoyen de tout le monde. Il faut que ce phénomène de falsification des documents soit combattu avec la dernière énergie parce que on a vu que ça nous coûte énormément cher en termes de contribution à des accidents. Permettez, encore une fois, que je lance cet appel à cette occasion où nous cheminons vers la fin de l'année. On sait que les gens se donnent activités de réjouissance et c'est une bonne chose, c'est un bon signe pour le pays, mais que les gens gardent à cœur la sécurité en général et la sécurité routière en particulier. Que les gens évitent de conduire en état d'ébriété. Que les gens, les transporteurs en particulier, sentent qu'ils ont la lourde charge, je le dis et je le répète à chaque occasion, qu'ils ont la lourde charge de veiller sur les vies qu'ils transportent, qu'ils évitent des excès de vitesse, des excès de chargement, qu'ils évitent de consommer de l'alcool pendant qu'ils conduisent. Il y en a qui vont au volant après avoir bu, mais il y en a aussi qui boivent de l'alcool pendant qu'ils sont au volant. C'est très dommage. Il faut que les gens en général sentent ce devoir, comme je le disais, de dénoncer ces méfaits parce que c'est une action citoyenne qui appelle l'intervention de tout le monde. Je voudrais aussi rappeler que la hausse des mesures des prix du ticket de transport est une infraction parmi tant d'autres et que nous le réprimerons avec la dernière énergie. Ce message par un vœu pour le nouvel an, que les transporteurs, que les conducteurs passent une bonne fin d'année, que l'année à venir leur soit de tous les succès, qu'ils améliorent leur manière de conduire en vue de réduire les cas d'accident qui nous causent tant de tracas. Je vous remercie. Voilà, c'est sur ce vœu du commandant de la police spéciale de roulage PCR que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous nous passions essentiellement sur la sécurité routière et son incidence sur les activités des compagnies d'assurance. Dans cette émission et dans ce studio de la radio Sanganilo, nous étions avec trois invités. Nous disons merci à OPC1 Roger Banibiguira, commissaire de police et commandant de la police spéciale de roulage PCR. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci aussi pour m'avoir invité. Et si le besoin se fait sentir, c'est moi qui toquerai à votre porte lorsqu'il y aura un message à transmettre comme on a l'habitude de le faire. Vous serez toujours le bienvenu. Nous disons également merci à Alain Fernand Ngengurutse, délégué du secrétaire général de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie à mon nom propre et aussi au nom du secrétaire général qui m'a mandaté pour le représenter ici. Et je réaffirme que l'ARCA sera toujours disponible pour ce genre d'émission et répondra toujours au présent à votre appel. Nous disons également merci à Honorable Tassien Sibomana qui représente ici l'Association des assureurs du Burundi, Assure. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie, mais permettez, comme c'est la dernière émission de Mosaïque sur votre médium, de transmettre mes vœux les meilleurs au nom de la Sûre et de moi-même. À laquelle vous avez pris d'ailleurs part dans plusieurs émissions. Oui. Donc, de souhaiter à tous les auditeurs de votre médium les vœux les meilleurs pour l'année 2019, qu'elle soit pour une année de bonheur, de bonne santé, de paix et de prospérité. Voilà, Pacifique Chouahiro était à l'animation de Mosaïque. À la réalisation, c'était Jérôme Nyonzima, Albert Ndouayo assurait la mise en onde. À vous tous, à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de rester fidèles à votre station. Au revoir. Mosaïque.